Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73:28. Bonne condition d'écoute. Papa yonde yolo ba, Papa Yahweh, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, Abba, Abba Père, Abba Père, nous t'adorons, Abba Père, Yahweh. Lèvons-nous ensemble. Tous les mains méconnaissants. Soyons debout devant le Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Assure-toi que ton passé s'est mis debout. Prie avec moi. Dis Seigneur. Seigneur, je suis venu au rendez-vous. J'attendais ce moment depuis longtemps. Maintenant, ce moment est arrivé. Je suis là, Seigneur. Mi corpo buono. Ne me passe pas outre. Usipite kando. Je suis là. Mi corpo. Je suis au rendez-vous. Niko kwenye mpango. Mon Dieu. Mungu wangu. Exauce-moi. Nijibu. Accepte-moi dans ton intimité, tel que je suis, là où il faut corriger dans ma vie, corrige. Je veux être digne. Il faut que ma vie compte. Mon Dieu, fais-moi grâce. Seigneur, je sais que tu es ici. Je sens ta présence. Accepte-moi. Écoute-moi. Et parle à mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous accueillons l'homme de Dieu. Ton nom ce soir. Merci parce que tu es fidèle. De la même manière que tu as dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Je bénis ton nom parce que le ciel est ouvert. Merci parce que ta puissance est là. Merci parce que ta gloire est là. Merci Seigneur. Ce que tu m'as dit, tu le feras. Quiconque est venu avec un fardeau ce soir, je le crois et je le confesse. Il ne rentrera pas tel qu'il est venu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu honores ta parole. Reçois la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour nous ce soir. Mes frères et sœurs, le ciel est ouvert. C'est que quand tu seras en train de prier, parce qu'en principe aujourd'hui il fallait qu'on prie, on va partager la parole et on va faire ce que l'Esprit a dit de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, regarde le ciel ouvert. Il n'y aura pas d'obstacle ce soir. Kwa vizuizo magharibi ya leo. Le Seigneur est là. Bwana ni hapa. C'est lui qui a dit. Ni yeye amesema. Et il est fidèle. Na ni mwaminifu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre pensée de ce séminaire. Tunaendelea wazo letu la mkutano. Le grand thème est porté sur une vie qui compte devant l'Éternel. Mada kubwa ni maisha inayokuwa na thamani mbele za Mungu. Et depuis hier nous avons abordé le sous-thème. Na tangu jana tumeongelea mada ndogo. Nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous avons intitulé comprendre la vie qui a un sens. Kuelewa maisha inayokuwa na maana. Comprendre la vie qui a un sens. Kuelewa maisha inayokuwa na maana. Et à cela nous avions dit hier. Na jana tumesema. Que dans le cœur de Dieu, ndani ya moyo wa Mungu, il y a plusieurs préoccupations. Kuna mambo mingi na anahusika nayo. Mais l'une des grandes préoccupations de l'Éternel. Lakini moja wapo ya mambo yanayohusika nayo. Et que la vie, ni kwamba maisha, de tous les êtres humains, ya kila mwanadamu, compte devant lui. Inakuwa na thamani mbele zake. Et pour qu'il vit compte devant Dieu. Ni kwamba maisha iwe na thamani mbele za Mungu. Et doit manifester son sens. Inapaswa kuonesha umuhimu wake. C'est de là dont nous avons abordé. Ndio maana tumeongelea quelques aspects parlant du sens d'une vie. Picha fulani inayoonesha umuhimu wa maisha. Nous avons dit une vie a un sens. Tumesema maisha inakuwa na umuhimu. Lorsqu'elle est utile. Wakati inafaidia. Lorsqu'elle est importante. Wakati inafaidia. Lorsqu'elle a un impact positif. Wakati inakuwa na ushawishi bora. Lorsqu'elle est rentable. Wakati inatoa matunda. Lorsqu'elle est productive. Wakati inazaa. Et on en a parlé à fond à ce sujet. Na tuliongelea kwa wingi mambo yale. Et hier j'étais en train de dire. Jana nilikuwa nikisema. En résumant toutes mes interventions. Nikifupisha mahubiri yote. Dans deux aspects. Niliongelea viwango mbili. J'étais en train de dire, je vais résumer toutes mes interventions en parlant de deux choses. Ujumbe wangu utafupishwa kwa viwango viwili. La première des choses. Kiwango cha kwanza. C'est le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha inayokuwa na mafaa. Le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na mafaa. Et le deuxième aspect. Na picha ya pili. Nous sommes en train de parler de certains facteurs. Tunaongelea mambo fulani. Qui permettent le développement d'une vie qui a un sens. Inayoruhusu maisha inayokuwa na maana isonge mbele. Et depuis hier nous avons abordé déjà le premier point. Jana tumeongelea pointi ya kwanza. Parlant du portrait d'une vie qui a un sens. Tulipoongelea picha ya maisha iliyo na mafaa. Par portrait je dis, j'essaie en train de faire allusion à la photographie. Ninapoongelea picha naongelea picha iliyochukuliwa. Je parle de l'image d'une vie qui a un sens. Naongelea alama ya maisha iliyo na mafaa. Je parle de la représentation d'une vie qui a un sens. Naongelea hiyo maisha inayoonekana kuwa na mafaa. Et pour que nous puissions bien comprendre ce sujet, na ili kwamba tuelewe mada hii vizuri, qui est même une base pour tout le reste, iliyo msingi ya mengine inayofuata, parce que n'est pas arrivé à comprendre une vie qui a un sens, kama auelewe maisha iliyo na maana, tout ce qui sera dit par la suite, yote ambayo tahubiriwa baadaye, risque de ne pas être bien compris, inaweza kupita kando ya akili yako. Hallelujah. Amen. Et par là nous avions dit, na hapo tumesema, nous allons aborder quatre facettes. Tutaongelea mambo ine. Pour bien expliciter. Ili kwamba tufasirie vizuri. Le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na maana. Et déjà hier nous avons abordé la première facette. Jana tumeongelea pointi ya kwanza. Nous avons dit une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Wakati unaishi ndani ya hatima yako. En d'autres termes, une vie qui compte devant Dieu. Maisha inayokuwa na thamani mbele za Mungu. Lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Ni wakati uko ndani ya hatima yako. La deuxième des choses. Jambo la pili. Nous avons dit. Tumesema. Une vie qui a un sens. Maisha inayokuwa na maana. C'est une vie qui répond aux besoins de sa génération. Ni maisha ya inayojibu kwa haja za kizazi. Et par là nous avions dit, na hapo tumesema, la valeur d'une personne, thamani ya mtu, ne repose pas seulement sur ses avoirs, haiko ndani ya mambo alionayo, ne repose pas seulement sur son positionnement, haiko ndani ya nafasi alionayo, mais la valeur d'une personne, thamani ya mtu, repose sur sa capacité à résoudre les problèmes, inakuwa ndani ya uwezo wake wa kuleta majibu kwa mashida. Hallelujah. Amen. Et ce soir, na jioni ya leo, nous allons aborder les deux autres aspects. Tutaongelea pointi mbili zinazobaki. Parlons rapidement de la troisième facette. Pointi ya tatu. Du portrait d'une vie qui a un sens. Ya picha ya maisha iliyo na mafaa. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Wakati inashiriki kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle participe. Wakati inashiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Et par là nous allons prendre nos deux textes de base. Tutasoma usomi wetu mbili wa msingi. Nous allons lire l'épître de Paul à Philémon. Kitabu cha Filemoni. Le chapitre premier du premier verset au verset 12. Sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 12. Nous allons lire l'épître aux Hébreux. Baada tutasoma Waibrania. Chapitre 6 le verset 7 au verset 8. Sita saba hadi 8. Je lis dans le nom de Jésus. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la Séraphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. Lisons Hébreux chapitre 6. Ou Hébrania Sita. Hébreux chapitre 6. On va lire juste deux versets. Tunasoma versi mbili. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Saba na mnane tu. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, une vie a un sens, maisha inakuwa na maana, lorsqu'elle participe, wakati inashiriki, à l'épanouissement du royaume de Dieu, kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Notre existence, kuwa kwetu, doit faciliter, kunapaswa rahisisha, l'accomplissement des objectifs du royaume de Dieu sur la terre, kutimilika kwa lengo za ufalme wa mbingu hapa chini ya jua. Nous n'existons pas pour nous-mêmes, atuishi kwa ajili yetu wenyewe. Nous n'existons pas pour le plaisir d'exister, atuishi juu ya furaha ya kuishi. Mais ton existence, mon existence, kuwa kwako na kuwa kwangu, doit faciliter, inapaswa rahisisha, l'accomplissement, kutimilika, des objectifs de Dieu sur la terre, kwa lengo za Mungu hapa duniani. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, pour que nous puissions y arriver, ili kwamba tufikie hiyo, à faciliter l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre. Turahisishe Mungu kutimiza lengo zake duniani. Frères et sœurs, ndugu zangu, nous avons l'obligation, tunayo shurti, d'intégrer Dieu dans nos planifications. Ya kuita Mungu ndani ya mipango yetu. Nous ne pouvons pas, atuwezi, arriver à faciliter, kurahisisha, l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre. Lengo za Mungu kutimilika duniani. Aussi longtemps que kabla Dieu ne fait pas partie Mungu de nos planifications. Aiko ndani ya mipango yetu. Nous devons inclure Dieu, inabidi tumuingize Mungu, dans la planification en termes de gestion de temps, ndani ya mpango wetu tunapolinda muda wetu, et aussi dans la planification par rapport à nos avoirs, na ndani hata ya yote tulionayo, le temps que j'ai, wakati nilionayo, comment je le dispatche, naitumie namna gani, comment je planifie mon temps. Ninapangilia miradi yangu je. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une chose que nous ne pouvons jamais oublier. Kitu moja ambayo hatupaswi sahau. C'est que nous n'avons pas l'éternité sur la terre. Ni kwamba hatuna umilele hapa chini ya jua. Le temps que nous avons, wakati tulionayo, est très court. Ni mfupi. Et le Seigneur Jésus, na Bwana Yesu, est prêt à venir prendre son église. Iko tayari kuja kuchukua kanisa lake. Pendant que nous nous réveillons, wakati tunaamka, pour planifier notre temps, kwa kupangilia muda wetu, est-ce que Dieu, je Mungu, fait partie anakuwaka des plans ou des points de notre planification? Anakuwa na sehemu yake ndani ya muda wetu. Par rapport à ce que nous avons, kulingana na yale tulionayo, en termes de finances, en termes de matériel, kama vile uchumi, pesa, vitu, est-ce que Dieu fait partie dans nos planifications? Je Mungu ako ndani ya mipango yetu. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, parfois la Bible dit la vérité en disant que nous prions mal. Mara nyingi Biblia inasema kweli inaposema tunaomba vibaya. À un moment donné nous prions mais nous ne sommes pas exaucés. Mara nyingi tunaomba lakini hatujibiwi. Pas parce que nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la prière. Si kwa sababu hatuchukue muda mrefu katika maombi. Pas parce que nous n'étions pas en jeûne et prière. Si kwa sababu hatukufunga na kuomba. Mais parfois ça arrive. Mara nyingi nafika. Que certaines requêtes, mahitaji fulani, tarde, inakawia kujibiwa. Mais d'autres ne sont pas exaucés. Na zingine zijibiliwe. Seulement parce que sababu Dieu ne se retrouve pas dedans. Mungu apate faida yake ndani. Quiconque veut prier ce soir, yoyote anayetamani kuomba jioni leo, toute cette saison, na kwa majira haya yote, nous devons apprendre, tujifunze, à intégrer Dieu, kuingiza Mungu, dans ce que nous faisons, ndani ya yale tunafanya, et dans ce que nous avons, ndani ya yale tulionayo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, ce sont des prières terribles, des prières inefficaces. Ni maombi nzuri. Lorsque quelqu'un prie, wakati mtu anaomba, et dans sa requête, na katika hitaji lake, Dieu trouve sa part. Mungu anapata faida yake. Il y a des fois Dieu libère au-delà de ce qu'on demande. Kuna mara Mungu analeta zaidi ya yale unaomba. Je dis à quelqu'un, namwambia mtu, lorsque tu seras en train de prier, utakapokuwa naomba, et que Dieu trouve sa part dedans, na Mungu anapata faida yake ndani, il est possible, inawezekana, qu'il fasse au-delà de ta demande, au-delà de ma demande, akujibu zaidi ya hitaji lako. Et je dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu fera ce soir. Namwambia mtu hadi hapa ni yale Mungu atafanya jioni hii. Mais à condition qu'on comprenne ces choses. Tuelewe mambo haya kwanza. Salomo, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Solomon anamuomba Mungu nini? Il demande à Dieu l'intelligence, la sagesse. Anaomba Mungu akili na hekima. Pour faire quoi? Ya kufanya nini? Pas pour être vu. Apane ili kwamba aonekane. Pourquoi tu ne demandes pas la mort de tes ennemis? Kwa nini aombe adui zako wafariki? Pourquoi tu ne demandes pas, Seigneur, élève-moi et écrase les autres? Kwa nini aombe Mungu ninue na kuponda ponda wengine? Ceci n'a pas été dans la requête du sage Salomon. Haikuwa ndani ya maombi ya huyo Salomon mwenye hekima. Mais lorsque Salomon prie, lakini anapoomba, la priorité même dans sa requête, jambo la muhimu katika hitaji lake, c'est de glorifier le Seigneur. Ilikuwa ni kumtukuza Mungu. Il dit afin que je puisse bien conduire ton peuple. Anasema ili kwamba niongoze vizuri taifa lako. Bien-aimé, lorsque les objectifs de Dieu sont dedans, wakati lengo za Mungu ziko humo ndani, l'Éternel dit ceci, wa milele anasema, je te donne l'intelligence et la sagesse, ninakupa akili na hekima, et en outre, na zaidi ya hiyo, au-delà de ce que tu as demandé, zaidi ya yale uliomba, je t'ajoute les richesses, na kuongezea utajiri, je t'ajoute la gloire, na kuongezea utukufu, je t'ajoute toutes ces choses, na kuongezea mambo yale yote. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu as eu à cœur, sababu ulipata, ulisikia moyoni mwako, à participer, kushiriki, pour l'épanouissement, kwa kupanuka, de mes objectifs sur la terre, kwa lengo zangu chini ya jua. Hallelujah. Amen. Parlant des objectifs de Dieu, tunapongelea lengo za Mungu. Il y en a plusieurs. Kuna malengo mengi. Mais nous allons essayer d'aborder quelques-uns. Nitaongelea tu malengo fulani fulani. L'un des premiers objectifs de Dieu, lengo mojawapo ya malengo za Mungu, c'est le salut des âmes. Ni wokovu wa manafsi. Le salut des âmes. Wokovu wa nafsi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema, le Fils de l'homme est venu, Mwana wa Adam amekuja, pour chercher et sauver, kwa kutafuta na kuokoa, ceux qui étaient perdus, waliopotea. L'une des grandes missions, mojawapo ya missioni kubwa, du Seigneur Jésus, ya Bwana Yesu, lorsqu'il est venu sur la terre, alipokuja duniani, c'est pour réconcilier les êtres humains avec Dieu, ni kuunganisha wanadamu pamoja na Mungu. Et Dieu vise à ça, mes frères et sœurs. Na Mungu anatarajia mambo yale sana. Mais le malheur c'est que, ole ni kwamba, dans certaines églises locales, ndani ya makanisa fulani fulani, nous avons compris, tumeelewa, que le salut des âmes, ya kwamba wokovu ya watu, c'est une affaire du département de l'évangélisation. Inahusu tu kundi ya wainjilisti. Moi je ne suis pas dedans. Mimi siko ndani. Moi je ne suis pas concerné. Mimi sihusike. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, la vérité par rapport au salut des âmes, ukweli kulingana na wokovu wa manafsi, c'est que c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Ni kwamba inahusu watoto wote wa Mungu. Quiconque est sauvé, yoyote ambaye ameokolewa, doit partager la bonne nouvelle. Anapaswa kuhubiri habari njema. Parlant du salut des âmes, tunapongelea wokovu wa manafsi. Nous ne sommes pas en train de dire que vous allez faire tout un séminaire expliquer les gens l'eschatologie c'est quoi. Atusemi kwamba utafanya semina na kufasiria watu mwisho wa dunia kurudi kwa Yesu ni nini. Non. Apana. Le message central, ujumbe kubwa, c'est présenter l'amour de Dieu. Ni kuonesha upendo wa Mungu. L'amour de Dieu qui est centré sur la personne Jésus-Christ. Upendo wa Mungu ambao unajengwa juu ya Yesu. Car Dieu a tant aimé le monde. Komana Mungu alivyopenda ulimwengu. Et il a donné son fils unique. Akapana mwana wake. Afin que quiconque croit, ili kwamba yoyote anayeamini asifariki, mais qu'il ait la vie éternelle, apate uzima wa milele. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, l'un des objectifs phares de l'Éternel, moja wapo wa lengo kubwa za Mungu, c'est le salut des âmes. Ni wokovu wa nafsi. Lorsque nous prenons le cas de ce fou de Gadara, tunapomona umwenda wazimu wa Gadara, dans Marc chapitre 5, ndani ya Marko 5, le verset 1 jusqu'au verset 20, versi ya kwanza hadi 20. Lorsque vous lisez ce texte, ukisoma usomi hii, vous allez comprendre quelque chose de très important. Utelewa jambo la muhimu. Le Seigneur Jésus a rencontré cet homme. Bwana Yesu alikuta mtu huyo. Dans un état où la vie n'avait pas de sens. Ndani ya hali ambayo maisha yake kukua na maana. Parce qu'il était sous la possession démoniaque. Sababu alikuwa kitawaliwa na mapepo. Et c'est le même des ennemis d'une vie qui fait avoir un sens. C'est l'un des ennemis, ni moja wapo ya adui, d'une vie qui veut avoir un sens, ya maisha ambayo natamani kuwa na samani. Lorsque Jésus a fini le travail, wakati Yesu amemaliza kazi, il lui a rétabli dans son bon sens, alimurejesha ndani ya hali njema yake. La Bible dit Jésus monte à la barque, Yesu akapanda ndani ya mtumbo. Et cet homme est venu derrière Jésus. Huyu mtu akaja nyuma ya Yesu. Et lui, si tu me permets. Akasema kama unaniruhusu. Je voudrais aller aussi dans ta cortège. Natamani kwenda pamoja na wewe. Mais le Seigneur Jésus, Yesu Kristo, comprenant l'importance de ce que nous parlons de salut des âmes, sababu alielewa umuhimu ya wokovu ya manafsi, il dit à cet homme, akamwambia huyo mtu, ne me suis pas, usinifuate, mais rentre dans ta maison, lakini rudi katika nyumba yako, allez publier les merveilles de Dieu, uende kutangaza mema ya Mungu. Mais le malheur c'est quoi? Ole ni kwamba, beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wengi wa Mungu, nous donnons beaucoup de choses dans les membres de nos familles, tunapatia wanamemba wa jamaa mambo mengi, mais nous les privons de ce qui est plus important, lakini atuwape iliyo ya muhimu. Plus important c'est quoi? Iliyo ya muhimu ni nini? C'est de les réconcilier avec le Seigneur. Ni kuwapatanisha na Mungu. Qui parmi nous? Nani miongoni mwetu? A déjà parlé de la bonne nouvelle. Amewahi kuongelea habari njema. À l'un des membres de sa famille. Kwa mmoja ya wanamemba wa jamaa yake. Et quelqu'un va mourir? Na mtu anakufa. Pendant que tu es là. Ijapokuwa uko hapo. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions aussi amener les autres vers lui. Bwana Yesu ametokoa ili kwamba tulete wengine kwake. Bien-aimé, les grands cadeaux, les cadeaux les plus précieux que nous pouvons donner aux gens, c'est de les amener à Jésus. Zawadi kubwa ambayo tunaweza kupatia watu ni kuwapelekea Yesu. Nous pouvons pleurer quand les gens meurent. Tunaweza kulia wakati watu wanafariki. Mais si nous connaissons, kama tunajua, que nous les avons amenés auprès du Seigneur, ya kwamba tumewaleta kwa Yesu, bien-aimé, nous pleurons, tutalia, mais tout en ayant l'espérance, na tukiwa na matumaini. Hallelujah. Amen. Il est écrit dans Luc chapitre 15, le verset 7 et le verset 10. Luka 15, 7 na 10, imeandikwa. Il y a une grande joie au ciel. Pana furaha kubwa mbinguni. Lorsqu'un pécheur se repent. Wakati mwenye zambi anatubu. Lorsqu'un pécheur se repent. Wakati mwenye zambi anatubu. Il y a une grande joie au ciel. Kuna furaha kubwa mbinguni. Les anges sont dans la joie. Malaika wanakuwa ndani ya furaha. Et Dieu lui-même. Na Mungu mwenyewe. Devant son trône. Mbele ya kiti chake cha enzi. Il se trouve dans la joie. Anakuwa ndani. Pourquoi? Sababu gani? Parce que une âme, sababu nafsi moja, a été retrouvée. Imepatwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. J'aimerais nous encourager. Ninawaomba. À parler de la bonne nouvelle. Tu ongele habari njema. Ce n'est pas une nouvelle de honte. Aiko jambo la haya. Lorsque nous parlons de Jésus. Tunapongelea Yesu. Ce n'est pas une flatterie. Aiko kufurahisha watu. Quand tu peux rencontrer quelqu'un. Wakati unamkuta mtu. Pour le flatter, tu peux l'appeler directeur. Ilikwamba mtape unaweza kumuita director. Tu peux l'appeler président. Unaweza kumuita mopao. Parfois même c'est une sentinelle. Mara nyingi anaweza kuwa hata anakuwa zamu. Mais lorsque nous parlons de Jésus. Tunapongelea Yesu. Nous parlons de ce qui est vrai et certain. Tunaongelea mambo ya kweli na kamilifu. Nous ne devons pas avoir honte. Tusiwe na haya. De parler du Seigneur. Ya kuongelea Yesu. Combien nous voyons dans d'autres religions. Mara nyingi katika madini tunaona. Ils parlent de leurs histoires librement. Wanaongelea mambo yao waziwazi. Mais nous qui avons la vérité. Sisi tuliona kweli. Nous cachons. Tunaficha. Nous avons honte. Tuna haya. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. C'est triste même. Inakuwa ofu moyoni. Lorsque nous sommes même dans nos cellules. Wakati tunakuwa ndani ya mashirika. Il suffit seulement qu'on dise c'est lundi, ça sera le lundi de l'évangélisation. Wanaposema hii siku ya leo tutakwenda kuhubiri barabarani. Vous allez trouver il y aura peu de gens. Utakuta watu wachache. Il y aura peu de gens. Watu wachache zaidi. Mais lorsque nous disons tunaposema le lundi, ça sera le lundi miracle. Siku ya kwanza itakuwa siku ya miujiza. Tout le monde viendra. Kila mtu anakuja. Mais le plus grand miracle. Muujiza mkubwa. C'est d'être réconcilié avec son créateur. Ni kupatana na muumba wako. C'est un miracle inexplicable. Ni muujiza ambayo huwezi kufasiria. Incompréhensible par la sagesse humaine. Huwezi kueleweka na akili ya mwanadamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Parlons de Jésus. Tuongelee Yesu. N'ayons pas honte. Tusiwe na haya. Plusieurs vont mourir. Wengi watakufa. Pendant que vous êtes là, je suis là. Ijapokuwa wewe nami tuko hapo. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie. Ni maisha. Qui participe. Inayoshiriki. À l'épanouissement du royaume des cieux. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Dans le salut des âmes. Ndani ya wokovu ya nafsi. Hallelujah. Amen. Deuxième objectif. Lengo la pili. Dans le royaume de Dieu. Ndani ya ufalme wa mbingu. Je parle du soutien à la mission. Ninaongelea kusupporti misioni. Je parle du soutien à la mission. Ninaongelea kusupporti injili. Il est vrai. Ni kweli. Qu'au-delà des membres de nos familles. Zaidi ya wanamemba wa jamaa yetu. Il y a certaines personnes. Kuna watu fulani. Que Dieu les a appelés. Ambao Mungu ameita. Pour quitter leur maison. Watoke ndani ya nyumba zao. Pour quitter leur famille. Watoke ndani ya jamii. Et aller plus loin. Na waende mbali. Je dirais même abandonner leur confort. Waache hiyo nafasi yao ya raha. Et aller plus loin. Waende mbali zaidi. Pour la cause du royaume. Kwa ajili ya injili. Il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 15. Daniel Warumi 10, 15, imeandikwa. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Je kutakuwa waubiri. S'ils ne sont pas envoyés. Kama watumwe. Selon qu'il est écrit. Kulingana na jinsi imeandikwa. Ils sont beaux. Ni mema. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Miguu ya wale wanaotangaza amani. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Wale wanaotangaza habari njema. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Parfois c'est drôle. Kuna mara inaonekana kama vile ukichaa. Lorsque nous sommes souvent dans nos petits groupes, tunapokuwa ndani ya makundi madogo, nous pouvons admirer, tunaweza furahi, les progrès de certaines missions, kuona misioni fulani zinaendelea, de certaines églises locales, kanisa fulani zinaendelea. Qu'est-ce que nous disons? Tunasema nini? Il y a vraiment des progrès. Kuna maendeleo. Il y a vraiment des fruits. Kuna matunda. Regarde ce que tel a fait. Tizama hiyo mtu fulani amefanya. Regarde ce que tel autre a fait. Tizama huyo mwingine amefanya. Regarde les missions. Tizama kanisa mbalimbali. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Derrière ce progrès, nyuma ya maendeleo yale, il y a des enfants de Dieu pana watoto wa Mungu, qui mettent la main à la pâte wanaogusa mfukoni, pour soutenir et produire ce progrès de toutes ces missions. Ili kwamba wasupporti na kufanya kwamba kanisa isonge mbele. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici. Si connaissez ma part. Que nous ne participons pas pour le progrès de nos missions. Atushiriki likomba kanisa zetu ziendelee. Mais je suis en train de dire. Ni connaissez ma. Que cette participation soit collective. Mchango huo unapaswa kuwa wa ujumla. Parce que chacun de nous kila mmoja wetu doit travailler pour que sa vie ait un sens. Anapaswa tumika ili kwamba maisha yake iwe na maana. Et pour que ma vie ait un sens. Na ili kwamba maisha yetu iwe na maana. Je dois participer. Napaswa shiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Dans le soutien à la mission. Ninaposapoti missioni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est drôle souvent. Lorsque nous parlons de ces choses. Mnajua, haieleweki vizuri wakati tunaongelea mambo haya. Na quelqu'un dit mais c'est encore quoi? Na mtu anasema ni mambo gani? Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Nous devons prêcher toute la Bible. Tunapaswa kuhubiri Biblia nzima. Nous prêchons le plein évangile. Tunahubiri injili. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Kuna makesi mingi ndani ya Biblia. De ceux-là qui ont soutenu l'œuvre. Mifano mingi ya watu waliosupport injili. L'exemple le plus fréquent. Mufano. Nous le voyons par Philémon. Moja ni Filemoni. C'était un chrétien. Alikuwa mkristo. Il était riche. Alikuwa tajiri. Mais dans sa richesse. Ndani ya utajiri wake. La part de Dieu était contenue dedans. Wapo. Et quand l'apôtre Paul parle de lui, Mtume Paulo anapongelea il est en train de louer sa participation dans la foi qui était efficace. Anafurahia kushiriki kwake mchango wake. Hallelujah. Amen. Parlant d'autres objectifs du royaume. Tunapongelea malengo zingine. Je vais aborder par exemple. Nitaongelea kwa mfano. L'achat de terrain et la construction des temples. Kununua kiwanja makujenga hekalu. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir. Kazi ya Mungu inapaswa panuka. Les âmes doivent être gagnées. Nafsi zinapaswa okolewa. Mais il faut que ces âmes soient bâties. Inabidi hizo nafsi zijengwe. Il faut que ces âmes soient fermées. Inabidi hizo nafsi zimarishwe. Ça nécessite un terrain. Inahitaji uwanja. Ça nécessite la construction telle qu'elle. Inahitaji jengo la hekalu. Parce que si on enlevait tout ce qu'il y a ici. Kama wangetosha majengo haya yote. Et que la pluie vienne. Na mvua inakuja. Je ne sais pas si nous serons encore ici. Sijue kama tungelikuwa hapa. Parmi les objectifs de Dieu. Moja wapo ya lengo za Mungu. Nous devons songer aussi. Tunapashwa tarajia. À l'achat de terrain la construction des temples de Dieu. Kununua kiwanja ya Mungu na kujenga hekalu. L'église est missionnaire. Kanisa la missioni. Mais l'église doit avoir des temples où les enfants de Dieu se réunissent. Kanisa linakuwa na mission, linakuwa na umisioni, lakini inabidi liwe na jengo ambapo watoto wa Mungu wanakusanyika. Hallelujah. Amen. Un autre objectif du royaume. Lengo lingine la ufalme. Je parle des aides aux démunis. Naongelea kusaidia wasiojiweza. Les aides aux démunis. Kusaidia wasiojiweza. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Il y a des veuves. Kuna wale waliopoteza orphelins. Kuna mayatima. Qui n'ont pas voulu devenir orphelins. Hawakutamani wawe mayatima. Il y a des veuves qui n'ont pas voulu devenir veuves. Kuna wajane hawakutaka kuwa majane. Mais cela est arrivé. Lakini ilifika. Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens. Kuna watu hawana pesa nyingi. Mais pour vivre c'est compliqué. Ateli kwamba kule ni shida. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tunafanya nini? Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui participe. Ni maisha inayoshiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Et dedans il y a cet objectif. Na hapo kuna kuwa lengo. Les aides aux démunis. La kusaidia wasiojiweza. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Mungu. Pour le département des femmes dans notre église. Kwa kundi la wamama ndani ya kanisa letu. Au travers cette opération Tabita en action. Kupitia hiyo wanaita Tabita en action. C'est très important. Ni jambo la muhimu. Pourquoi? Sababu gani? L'église n'est pas là. Kanisa liko hapo. Seulement pour prêcher, délivrer. Kwa kuhubiri na kukimbiza mapepo. Au-delà de ça. Zaidi ya hiyo. Et même la délivrance. Na hata ufungulivu. Dans ces détails. Ndani ya ujumla wake. La pauvreté est dedans. Umasikini unakuwa ndani. Il n'y a pas que les démons. Hakuna tu mapepo. Il y a autre chose contenue dans la délivrance. Kuna vitu ingine na kuwa ndani ya ufungulivu. L'église doit jouer ses rôles. Kanisa inapaswa chifanya kazi lile. Mais plusieurs églises. Makanisa mengi. Plusieurs enfants de Dieu. Watoto wengi wa Mungu. Ont oublié cela. Walisahau yale. Mes frères et sœurs. Ndugu zangu. Participons dans ce genre d'activité. Tushiriki ndani ya makazi kama haya. Beaucoup dans l'église. Wengi ndani ya kanisa. Se limite seulement dans les constats. Wanaona tu. Non, l'œuvre n'évolue pas. Kanisa yendele mbele. Non, tu vois, l'effectif n'avance pas. Hizi siku watu waongezeke. Non, nous sommes en train de stagner. Tuko na shuka. Non, même l'opération Tabitha, là, l'aide là était dérisoire. Nayo Tabitha, wanapana furushi ndogo ndogo. Et ça ne résout même pas au problème. Aishibishi hata. Il fallait même ne pas nous donner ça. Ilibidi waache hata wasitupatie. Ça fait même honte. Inaleta haya. Et mes frères et sœurs. Ndugu zangu. C'est très important de se poser ces questions et de faire ces constats. Ni ya muhimu kuona. Mais j'aimerais dire à quelqu'un. Lakini namwambia mtu. Une personne. Mutu. Dans sa vie a un sens. Ambaye maisha yake na kuwa na maana. La question qui devrait poser. Swali ambayo angejipatia. Serait celle de savoir. Ni kujua. Ceci n'a pas été bon. Hii haikukuwa nzuri. Cette action n'a pas été à la hauteur. Tendo hili alikufaulu kabisa. Mais quel a été mon apport dans cette action? Sehemu yangu ilikuwa gani ili kwamba lifanyike? L'œuvre de Dieu ne folie pas. Kazi ya Mungu iendelee. Mais quelle est ma participation dans cette œuvre? Sehemu yangu ni gani ndani ya kazi lile kusonga mbele? Le département ne folie pas. Kundi zetu asisonge mbele. Quelle est ta participation dans ce département? Wewe mchango wako ni gani ili kwamba kundi lako liendelee? Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na mafaa. Ne se limite pas au constat. Haihusiki tu na kuona. Il fait tout droit la responsabilité. Unachukua jukumu. Si c'est dérisoire, kama ni kitu ndogo, il fallait que je mette la main à la poche. Ilibidi niguse mfuko. Personne ne pouvait refuser. Hakuna mbaye alikataa. De dire non, quelqu'un a donné 100,000 dollars. Kusema pana mtu amepana dola 1,100. Pour que nous puissions visiter les orphelinats de cette ville. Ili kwamba tutembelee manyumba zinazochunga mayatima. Et même aller au-delà de la province. Na kufanya ta zaidi ya Nord Kivu. Pour la gloire du Seigneur. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Personne n'allait refuser. Hakuna mbaye alikataa. Mais la grande question qu'il fallait qu'on se pose. Swali kubwa ambayo ungelijiswali. Et j'aimerais même qu'on commence à réfléchir dans ce sens. Na tuanze kutafakaria kwa namna hiyo. Ceci ne folie pas. Hii jambo aliendeki. Ceci n'a pas été bon. Hii kitu hakukuwa nzuri. Mais quelle a été ma participation dans ça? Mchango wangu ulikuwa gani? Quel a été mon apport dans ça? Sehemu yangu ilikuwa ni gani? Hallelujah. Amen. Parlant de la participation. Tunapongelea mchango wako. Parce qu'il est question de participer à l'épanouissement du royaume de Dieu. Inabidi kuleta mchango wako kwa ufalme wa Mungu kupanuka. Je vais parler de trois niveaux de participation. Nitaongelea ngazi tatu za kushiriki kwako. Le premier niveau. Ngazi la kwanza. La participation spirituelle. Mchango wa kiroho. Et par là, je parle de l'intercession. Napo naongelea maombezi. Je parle de la prière pour les autres. Naongelea maombi kwa ajili ya wengine. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Tu peux participer. Unaweza shiriki. Pour l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Par tes genoux. Kupitia magoti yako. Par ta prière. Kupitia maombi yako. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudilie Mungu. Pour le département de l'intercession. Kwa kundi ya waombaji. Et même pour toutes les équipes de na kundi zote za Sayuni. Parce que chaque matin, maana kila asubuhi, les hommes et femmes sont en train de prier. Wanawake na wanaume wanaomba. Pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Kwa ajili ya kupanuka kwa kazi ya Mungu. Et j'aimerais même dire à quelqu'un ce soir. Namwambia hata mtu jioni ya leo. La réussite même de ce programme. Kufaulu kwa mkutano hii. Ne repose pas sur nous les intervenants. Hauko mabegani mwa wahubiri. Mais ça repose sur nous tous ici, y compris ceux qui prient pour le programme. Unakuwa juu ya bega kila mmoja. Na hata wale wanaombea mpango huu. Tous les départements mis en œuvre. Kundi zote zinapoungana. En réalité la réussite est collective. Ushindi unakuwa ujumla. Je suis en train de dire à quelqu'un ta prière est très importante. Namwambia mtu mmoja maombi yako ni ya muhimu. Écoutez ce que l'Éternel dit. Sikia hiyo Bwana amesema. Par rapport à l'intercession. Kulingana na maombezi. Ésaïe chapitre 59. Isaya 59. Ésaïe chapitre 59. Isaïe 59. Le verset 16, on va lire juste la partie A. Verset qui a 15 mwanzo hapo. La Bible dit ceci. Biblia inasema. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Akaona kwamba kuna mtu. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Akashangaa kuona kwamba kuna yule anayeomba. Dieu s'étonne. Mungu anashangaa. Dieu des cieux. Anapokuwa mbingu. Les gens se limitent au constat. Watu wanaona tu. Les gens se limitent à des critiques. Watu wanaongea tu. Les gens se limitent à parler. Watu wanasema tu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mupendwa katika que Bwana. Dieu nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Au-delà de ces choses. Zaidi ya mambo haya. Ayons le temps de prier. Tuwe na muda wa kuomba. Ayons le temps d'intercéder. Tuwe na muda wa kufanya maombi. Pour l'épanouissement du royaume de kwa Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Hallelujah. Amen. J'aime l'homme de l'apôtre Paul. Nampenda mtume Paulo. Il comprend l'importance de l'intercession. Anaelewa samani ya maombezi. Paul, mais tu es puissant. Paulo, wewe una nguvu. Dieu t'utilise puissamment. Mungu anakutumia na nguvu. Est-ce que toi aussi tu as besoin de l'intercession? Na wewe unahitaji maombezi? L'apôtre Paul dira oui. Mtume Paulo alisema ndio. Je suis dans Ephésiens chapitre 6 le verset 19. Wa Efeso 6:19. Écoutez ce que dit l'apôtre. Sikia hiyo mtume anasema. Priez pour moi. Muniombee. Afin qu'il me soit donné, ili kwamba nipewe, quand j'ouvre la bouche, ninapoongea, de faire connaître ardemment, nieleweshe na bidii, et librement le mystère de l'évangile. Katika uhuru siri ya injili. L'apôtre Paul comprend l'importance de l'intercession. Mtume anaelewa umuhimu wa maombezi. Et je peux bien préparer mon homélie. Anasema naweza kuandaa vizuri mahubiri yangu. Je peux avoir une bonne rhétorique. Naweza kujua sema. Je respecte toutes les règles de français. Naheshimu taratibu za Kifaransa. La grammaire est bien respectée. Naelewa namna jinsi wanaongeaka Kifaransa vizuri. L'exégèse, l'herméneutique est bien respectée. Naheshimu taratibu za mafundisho. Mais j'ai besoin de vos prières. Lakini nahitaji. Quand j'ouvre la bouche. Ninapofungua kinywa. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière donne l'énergie. Maombi inapana nguvu. La prière donne la capacité pour accomplir quelque chose. Maombi inapana mamulaka ya kutimiza jambo fulani. Si longtemps que tu te sens fatigué. Kama unachoka. Plonge-toi dans la prière. Anguka tena ndani ya maombi. Par la prière. Ingia ndani ya maombi. Nous recevons la puissance. Kupitia maombi tunapokea. Par la prière. Kupitia maombi. Nous recevons l'énergie spirituelle. Tunapokea nguvu ya kiroho. Qui nous capacite à bien servir Dieu. Inayotupa mamulaka kumtumikia Mungu. Hallelujah. Amen. Soyons des intercesseurs. Tuwe waombaji. Deuxième niveau de participation. Ngazi ya pili la kushiriki kwetu. Je parle de la participation physique. Naongelea mchango wa kuwa kwako. Là je vois la force physique. Hapo naona nguvu ya mwili yako. Je vois l'intelligence. Naona akili. Je vois l'expertise. Naona hiyo unayojua fanya. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Ili kwamba ufalme wa mbingu songe mbele. L'intelligence que nous avons. Akili tulionayo. L'expertise que nous avons. Mambo tunayojua kufanya. La force physique que nous avons. Nguvu tulionayo. Le talent naturel que nous avons. Talanta tulionayo. Doivent être mis en œuvre. Inapaswa kutumika. Pour que le royaume de Dieu. Ili kwamba ufalme wa mbingu. Avance. Usonge mbele. Nous pouvons prier. Tunaweza kuomba. Mais il est question, par exemple, de poser une action quelconque. Lakini inahitajika kufanya jambo fulani. Nous avons besoin de quelqu'un qui a fait le droit. Tunahitaji mtu ambaye amejifunza mambo ya sheria. Nous voulons acheter un terrain. Tunatamani kununua kiwanja. Toutes choses le Saint-Esprit ne va pas révéler. Roho Mtakatifu atafunua mambo yote. Parce qu'il a déposé déjà l'intelligence dans certaines personnes. Maana ameshaweka akili ndani ya watu fulani. Ils te diront c'est ça la procédure. Watakwambia wanafanyaka hivi na hivi. Vérifions A, B, C, D pour éviter de tomber dans tel piège. Tuchunguze mambo fulani ili kwamba tusianguke ndani ya mtego. L'église veut faire une action économique. Kanisa linatamani kufanya jambo fulani kwa kuweza kuzidisha uchumi. Aura besoin de quelqu'un qui a de l'expertise en économie. Inahitajika mtu aliye na ujuzi ya mambo ya uchumi. Et dans tous les domaines de la vie. Na ndani ya kila ngazi la maisha. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Soyons disposés. Tuwe tayari. À participer. Kwa kushiriki. Avec l'intelligence que nous avons. Na akili tulionayo. Avec la force que nous avons. Na nguvu tulionayo. Avec l'expertise que nous avons. Na yale tunajua fanya. Afin que les objectifs de Dieu. Ili kwamba lengo za Mungu. Soient atteints sur la terre. Zitimie duniani. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui participe. Ni maisha inayoshiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu chini ya jua. Hallelujah. Amen. Troisième niveau de participation. Ngazi la tatu la mchango wako. Je parle de la participation matérielle et financière. Naongelea mchango wa vitu na pesa. Et c'est là je vois nos dons, je vois nos offrandes. Hapo naona sadaka na zawadi mbalimbali. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. C'est bien beau. Ni vema. D'admirer. Kufurahia. C'est bien beau. Ni vema. De vouloir aller de l'avant. Kutarajia kusonga mbele. C'est bien beau. Ni vema. D'avoir de grandes pensées, de grandes visions. Kuwa na maono na mawazo makubwa. Mais c'est très important aussi. Lakini ni ya muhimu. De participer financièrement et matériellement. Ni ya muhimu zaidi kushiriki kipesa na kivitu. Pour l'épanouissement ou l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre. Kwa kupanuka na kutimilika kwa lengo za Mungu hapa chini ya jua. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Offrir à Dieu, kumtolea Mungu, ce n'est pas de l'escroquerie. Sio ukorofi. Et en réalité, même derrière les offrandes, na nyuma ya sadaka, ce qui en bénéficie, c'est nous-mêmes. Wanaofaidia ni sisi wenyewe. Derrière tout ce que nous faisons pour Dieu, nyuma ya yote ambayo tunamfanyizia Mungu, nous sommes les premiers bénéficiaires. Sisi tunafaidia wa kwanza. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, apprenons à offrir à Dieu. Tujifunze kumtolea Mungu. Apprenons à apporter ce que nous avons. Tujifunze kubebea Mungu yale tulionayo. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Kwa ajili ya kazi ya Mungu kusonga mbele. J'aime l'homme de Pierre. Nampenda Petro. Quand le Seigneur Jésus le raconte. Bwana anapokutana naye Petro. Il a pêché toute la nuit. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Akupata kitu. Pierre dessus. Petro akavunjika moyo. Il pouvait préparer bien son filet. Alikamata wavu wake. Peut-être il pouvait avoir des engagements et même les enfants pouvaient attendre recevoir ne fût-ce qu'un poisson pour manger. Yawezekana watoto walisubiri samaki ili kwamba wakule ugali. Mais cet homme de pierre. Lakini Petro. Lorsque le Seigneur Jésus. Yesu Kristo. Le raconte. Anapomkuta. Il lui dit. Anamwambia. Cède-moi ta barque. Nipatie mtumbo wako. Mais il y a plusieurs barques. Pana mitumbu mingi. Quelqu'un peut dire mais il y a plusieurs barques. Mtu anaweza kusema mitumbu ni mengi. La barque pour Pierre. Mtumbu kwa Petro. C'était quelque chose de précieux. Ilikuwa ni chombo cha samani. Parce que c'était toute son entreprise. Ilikuwa ni hiyo kampuni lake. S'il pouvait avoir de l'argent. Kama angelikuwa na pesa. S'il pouvait avoir de grandes réalisations. Kama angelifanya mambo makubwa makubwa. C'est au travers sa barque. Ni kupitia mtumbu wake. Mais le Seigneur Jésus. Lakini Yesu. Si à Pierre. Anamwambia Petro. Donne-moi ta barque. Nipe hiyo mtumbu wako. Pourquoi? Sababu gani? Je vais travailler pour le panouchement du royaume. Natamani fanya kazi ili kwamba ufalme wa mbingu upanuke. Pierre n'a pas hésité. Petro aku. Pierre cède sa barque au Seigneur. Alipana hiyo mtumbu. Quand Jésus entre dans la barque. Yesu anapoingia ndani ya mtumbu. Il termine à prêcher. Anamaliza kuhubiri. Il est sorti. Akatoka. Il dit à Pierre. Akamwambia Petro. Il dit à Pierre. Akamwambia Petro. Avance dans les eaux profondes. Songa mbele katika vilindi vya maji. Mais Pierre dit à Jésus. Petro akamwambia Yesu. J'ai pêché toute la nuit. Nililoba usiku mzima. Je n'ai rien eu. Sikupata kitu. Je n'ai rien eu. Sikupata kitu. Je suis un expert. Mimi nina utaalamu. En matière des eaux, je maîtrise ça. Ninajua mambo ya kuloba. Le temps comme celui-ci. Muda kama huu. Il n'est pas favorable qu'on ait le poisson. Aiko nzuri ili kwamba mtu avune. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Même dans un temps qui n'est pas favorable. Hata kwa muda ulio mbaya. Même dans un temps qui n'est pas favorable. Hata kwa muda usiokuwa mzuri. Mais lorsque celui qui gère le temps et les circonstances. Wakati yule anayeongoza nyakati na majira. Il ordonne quelque chose. Anaamuru kitu. C'est possible. Inawezekana. Que l'impossible soit possible. Kisichowezekana kiwezekane. Pierre dit ceci. Petro akasema. Mais. Lakini. J'aime le mais. Ninapenda hiyo lakini. J'aime le mais. Napenda lakini. C'est le mais de la foi. Ni lakini ya imani. Le mais de la foi. Lakini ya imani. Quelqu'un dira ce soir. Mtu atasema jioni ya leo. J'ai tout fait. Nimefanya yote. Ceci n'a pas marché. Mambo haikuendeka. Mais j'ai compris ce soir. Ninaelewa jioni ya leo. Je dois participer. Napaswa shiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Sikupata kitu. Le mariage n'est pas venu. Ndoa haikukuja. Cet homme est parti. Huyu kijana alikwenda. Les marchandises ne sont pas vendues. Biashara haikutoka. Le travail n'est pas fini. Kazi inakataa. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Nawaambia mtu magharibi ya leo. Pierre dit. Petro akasema. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Sur ta parole. Kwa neno lako. Sur ta parole. Kwa neno lako. Sur ta parole. Kwa neno lako. Je jeterai le filet. Nitatupa uvu. Je dis à quelqu'un ce soir. Sur la parole de Jésus, il est possible de te restaurer. Sur la parole de Jésus, il est possible de changer ta vie. Et ce soir, il va te restaurer. Sur sa parole, sur sa parole. Oh, j'aime l'homme de 38 ans. Il était là pendant 38 ans de malade. Il n'était pas guéri. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus. Jésus. Bwana Yesu. Le communicateur indispensable de la yule grâce. Yule anayeongea na kuripusha neema. La manifestation parfaite de l'amour de Dieu. Yule anayeonesha upendo wa Mungu. Il lui dit. Akamwambia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unataka nifanye nini juu yako? Il dit, je n'ai pas quelqu'un à me jeter. Akasema sina mtu wa kunitupa. Le Seigneur Jésus dit. Yesu akasema. En d'autres termes. Inamaanisha. Je suis en train de changer ta situation. Niko nabadili hali yako. Pour te donner un nouveau témoignage. Ili kwamba nikupe ushuhuda mpya. Akamwambia huyo mtu. Lève-toi. Simama. Prends ton lit. Kamata kitanda yako. Et marche. Na utembee. La vérité cachée dans ça c'est quoi? Kweli uliofichwa hapo ni gani? Le lit avait porté cet homme pendant longtemps. Kitanda ilibeba huyo mtu kwa miaka 38. Mais sans le propulser de la foi. Pasipo kumusukuma mbele. Il était sur place. Alikuwa hapo hapo. Mais lorsque la parole est sortie. Wakati neno la Mungu il lilitoka. Il a porté ce qui lui a porté. Alibeba kile kilichombeba. Ce soir. Natangaza magharibi ya leo. Utabeba wale waliokubeba. Zaidi ya kuwabeba. Utawabeba na kutembea nao. Naambia na mtu mmoja. Cette maladie t'a cloué. Hiyo magonjwa imekushindilia. Cette maladie au travers le témoignage. Utabeba magonjwa yale kwa ushuhuda. Et quand même les Sanhédrins, tous les hommes de la loi. Na wale watu wote wa sheria. Lui raconte les jours de sabbat. Wakamkuta siku ya sabato. On lui pose la question, mais il n'est pas permis de faire ça. Wakamwambia hairuhusiwe kutembea na mizigo kama haya. Il dit, moi je ne sais pas. Anasema mimi sijui. C'est lui qui m'a rencontré m'a dit. Yule aliyekutana nani aliniambia. C'est lui qui m'a rencontré m'a dit. Aliniambia. Lève-toi. Simama. Prends ton lit. Kamata kitanda. Et marche. Na utembee. Je quelqu'un. Na mwambia mtu. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu ako hapa magharibi ya leo. Utabeba kitanda na utatembea. Utabeba waliokubeba. Upendwa katika Bwana. Wakati umefika. Wakati umefika. Wakati umefika. Sijue. Sijue shida zako. Magumu ya uzazi. Ce qui m'a dit, prends ton lit, lève-toi, si mama, marche, na utembee. Quelqu'un doit marcher, mutu anapaswa tembea. Afin que sa vie ait un sens. Ili kwamba maisha yake iwe na maana. Quand on est cloué au lit, wakati unabaki kwenye kitanda, on est dans l'inactivité. Unakuwa ufanye kazi. Pour faire propulser les objectifs de Dieu. Ili kwamba lengo la Mungu litimie. Il faut se lever, marcher. Inabidi usimame na kutembea. Quelqu'un ce soir marche. Magharibi ya leo utatembea. Hallelujah. Quatrième facette, une vie qui a un sens. Picha ya ine maisha inayokuwa na maana. Portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha inayokuwa na maana. C'est lorsque l'honore et glorifie Dieu. Ni wakati yo maisha inamheshimu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons mener une vie digne. Tuwe na maisha inayostahili. Une vie qui glorifie le Seigneur. Maisha inayomtukuza Mungu. Une vie qui honore le Seigneur. Maisha inayomheshimisha Mungu. Une vie de sainteté. Maisha ya utakaso. Une vie de crainte de Dieu. Maisha ya kumwogopa Mungu. De par mes pensées. Kwa mawazo. De par mes choix. Kwa kuchagua. De par mes actions. Kwa matendo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. L'un des secrets. Moja wapo ya siri. D'une vie qui a un sens. Za maisha iliyo na maana. C'est lorsque la vie honore et glorifie le Seigneur. Wakati yo maisha inaheshimisha Mungu. Prenons le cas rapidement de Joseph. Tukamate mfano wa Yusufu. Genèse chapitre 39 le verset 9. Mwanzo makumi tatu na kenda kenda. On lit la partie B. Ngambo ya pili hapa. C'est l'histoire que nous connaissons. Ni historia ambayo tunajua. Joseph est face à la femme de Potiphar. Yusufu ako mbele ya mke wa Potiphar. La Bible dit. Biblia inasema. Joseph était beau de figure. Yusufu alikuwa mrembo. Il était beau de taille. Alikuwa bege. Mais la femme de Potiphar. Lakini mke wa Potiphar. Tournait autour de Joseph. Alikuwa na muone kuna meza mate. Elle tournait autour de Joseph. Alimzunguruka zunguruka ako. La Bible dit. Biblia inasema. Ce n'était pas une seule fois. Haikukua limoja tu. C'était plusieurs fois. Ilikuwa mara nyingi. Joseph refusait. Yusufu alikuwa anasema hapa. Mimi ton mari m'a établi ici. Aliniambia mume wako alinishimika hapa. Je gère toutes choses mais excepté toi. Naongoza vitu vyote lakini hapana wewe. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une vie qui glorifie Dieu. Maisha inayomtukuza Mungu. C'est une vie qui est menée avec des exceptions. Ni maisha ambayo unajua kuna mambo sipashwe fanya. Il y a des interdits. Kuna vitu sipashwe fanya. Une vie qui glorifie Dieu. Maisha inayomtukuza Mungu. C'est une vie qui est menée avec des interdits. Ni maisha ambayo unakuwa na dhamiri ya kwamba pana mambo sipaswi fanya. Écoutez ce que cet homme dit. Sikia hiyo huyo mtu anasema. Un jour, siku moja, cette femme trouve une occasion. Huyo mke akapata fursa. Je dirais même un penalty sans gardien. Akapata nafasi ya kuingiza goli. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Ils sont seulement deux. Wako tu wawili. Mais qui me verra? Nani mwataniona? Il n'y a pas de caméra de surveillance. Hakuna makamera. Écoutez quelqu'un dont la vie distillait son sens. Sikia mtu ambaye maisha yake inakuwa na maana. En termes d'honorer le Dieu. Kwa hali ya kumheshimisha Mungu wake. Il dit ceci au verset 9. Kwa verse la partie B. Ngambo ya pili hapo. Comment ferais-je? Je nitafanya. Un aussi grand mal. Et pécherai-je contre Dieu? Na kuasi Mungu. Joseph a compris. Yusuf alielewa. Qu'une vie qui a un sens. Ya kwamba maisha iliyo na maana. C'est une vie qui honore et glorifie Dieu. Ni maisha inayomheshimu na kumheshimisha Mungu. Même si je suis face à la femme de Potiphar. Hata kama niko mbele ya mke wa Potiphar. Mais je sais. Lakini najua. Je suis de la race de Dieu. Niko wa kabila la Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Partout nous serons. Mali popote ambapo n'oublions pas notre race. Tusisahau kabila yetu. N'oublions pas notre race. Tusisahau kabila yetu. Nous sommes de la race du Très-Haut. Tuko watu wa kabila la Mungu. Comment pécherai-je contre mon Dieu? Je nitaasi. Comment? Uyo Mungu. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui glorifie le Seigneur. Ni maisha inayomtukuza Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Apprenons à appliquer ces vérités. Tujifunze kuishi kweli hizi. Et nos vies. Maisha yetu. Marqueront les pages de leur histoire. Zitandika historia. La photographie d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na maana. Ou le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na mafaa. Nous avons abordé quatre facettes. Tumeongelea uso ine hapo. La première facette. La kwanza. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Wakati unaishi ndani ya hatima yako. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle répond aux besoins de sa génération. Wakati unajibu kwa haja ya kizazi yako. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Wakati inashiriki kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle honore et glorifie Dieu. Wakati inaheshimu na kumheshimisha Mungu. Lèvons-nous, nous allons prier. Tusimame tutaomba Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana bariki neno lake. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire quelques trois prières ce soir. J'aimerais que nous soyons debout. J'aimerais qu'on soit debout. Bien-aimés, par rapport à ce que nous venons de partager ce soir, il faut que nos vies distillent leur sens. Maisha yetu inapaswa kuwa na maana. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Wakati inashiriki kwa kupanuka kwa ufalme wa Mungu. Lorsqu'elle honore et glorifie Dieu. Wakati linamtukuza Mungu. Chacun de nous, quelqu'un va commencer déjà à élever sa voix pour dire à Dieu. Kila mtu ataanza kumwambia Mungu. Aide-moi, Seigneur. Nisaidie. Aide-moi. Nisaidie. À participer dans l'accomplissement de tes objectifs. Nishiriki kwa kupanuka kwa ufalme wako. Et deuxièmement. Jambo la pili. Aide-moi. Nisaidie. À mener une vie digne. Niishi katika haki. Une vie qui t'honore. Maisha ya utakatifu. Bien-aimé, lèvons nos voix et commençons à prier. Tuanze kuomba Mungu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Tuanze kuomba Mungu. Bien-aimé, commence à prier. Anza ongea na Mungu. Demande à Dieu. Omba Mungu. Demande à Dieu. Mwambie. Aide-moi. Nisaidie. À participer. Nishiriki. À participer. Nishiriki. Dans l'accomplissement. Kwa kutimilika. De tes objectifs sur la terre. Kwa lengo zako chini ya mbingu. Bien-aimé, aide. Demande à Dieu. Omba Mungu. Qu'il t'aide. Akusaidie. Qu'il nous aide. Akusaidie. Amène une vie digne. Tuishi kwa hali ya haki. Une vie digne. Maisha ya haki. Une vie qui les craint. Une vie qui les glorifie. Maisha na mtukuza. Une vie qui l'honore. Inaumheshimisha. Bien-aimé, prie le Seigneur. Omba Mungu. Prie le Seigneur. Omba Mungu. Prie le Seigneur. Omba Mungu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Omba Mungu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Ongeana Mungu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Ongeana Mungu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Ongeana Mungu. Bien-aimé, prie. Ongea. Jésus. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Nous voulons distiller l'essence de notre vie. Nous voulons participer à l'épanouissement de ton royaume. Nous voulons Seigneur, oh, te glorifier, t'honorer. Seigneur, écoute nos prières. Écoute nos prières. Que nos vies comptent. Que nos vies aient un sens. Que ma vie ait un sens. Que nos vies aient un sens. Que nos vies distillent le sens. Que nos vies aient un sens. Oh mon Dieu. Que ma vie soit digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier. Tunatamani kuomba Mungu. Chacun va réunir toutes ses requêtes. Leta mahitaji zako mbele za Mungu. Tu es venu dans ce programme. Umekuja katika mpango huu. Avec un fardeau. Na mzigo. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Kuna kitu ambacho hakiendeki. Il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse. Kuna kitu ambacho unatarajia Mungu atende. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Pendant que la chorale nous prépare ces mêmes cantiques, on a commencé à chanter. Kwaya inapoimba. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Mungu anaitimiza ahadi zake. Ako kisabila kana ye. Kanatimiza. C'est le même Dieu qui nous a dit. Uyo Mungu ametuambia. Au travers notre papa. Kupitia baba yeye. Il a dit. Amesema. Confiez dans les eaux profondes. Tuje katika filindi vya maji. En prenant ta requête. Unapochukua itaji. Tu seras en train de prendre la position qui te semble bon. Kamata, jikamate kisu nataka. La seule assurance que j'ai. Akikisho nilionayo. C'est que le ciel est ouvert. Ni kwamba mbingu zimefunguliwa. La seule assurance que j'ai. Akikisho nilionayo. C'est que le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Est là pour nous écouter. Ni kwa poko kutusikiliza. La Bible dit quand les justes crient. Wakati wenye haki wanaomba. L'Éternel attend. Wa milele anasema. Et il est délivre de toutes les détresses. Na anawafungua. Pourquoi nous voulons prier? Tunatamani kuomba kwa nini? Pourquoi nous voulons présenter nos requêtes à Dieu? Tunatamani kuonesha Mungu mahitaji yetu. Parce que nous sommes dans l'angoisse. Sababu tuko ndani ya uchungu. Le travail ne vient pas. Kazi haikuje. Le mariage ne vient pas. Ndoa haikuje. Les enfants ne viennent pas. Watoto wakuje. Les affaires ne marchent pas. Biashara itembei. La santé ne marche pas. Afya ikamate. L'intelligence n'est pas là. Akili na zuba. Les entreprises ne marchent pas. Kampuni haisonge mbele. Le ministère ne folie pas. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Biblia nasema. Dans Psaume chapitre 46. Verset 2. Verset ya pili. Dieu. Mungu. Est pour nous un refuge. Anakuwa kimbilio. Un appui. Nategemeo. Un secours. Anakuwa msaada. Qui ne manque jamais dans la détresse. Awokosekanaki. C'est que quiconque est dans la détresse. Quiconque est dans la détresse, la seule assurance que tu as, c'est que tu as un secours. Bien-aimé, celle-ci s'appuie sur leur char, celle-là s'appuie sur leur chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour dire à Dieu sur ta parole? Je jette mon filet. Commence à présenter ta situation à Dieu. Bien-aimé, présente ça. Présente ses problèmes. Il faut que ma vie ait un sens. Dans ce monde, Hey, Yahweh. de ma vie. Et la baba baya va cesser. Et la baba baba baya va cesser. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu qui me donne un sens. Le Dieu qui modifie les paramètres de ma vie. Le Dieu qui modifie les priorités de ma vie. Le Dieu qui ôte le cœur de pierre et me donne un cœur de chair. C'est quand on va se faire. Les malades guérissent, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Reçois ta guérison ce soir, au nom de Jésus. Reçois ta solution ce soir, au nom de Jésus-Christ. Reçois ton exaucement ce soir. Reçois ta visitation ce soir. Seigneur, merci. Bonne santé. Pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les provisions. Merci pour les ministères que tu relèves. Merci pour les révolutions intérieures. Merci Seigneur Dieu pour la puissance du doigt de l'Éternel que tu affectes sur chacun. En rentrant dans nos maisons, nous verrons s'accomplir les désirs de nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Dieu, tu es fidèle. ton intégrité t'engage. Ton intégrité t'engage. Tu as dit, j'accomplis la parole de mon serviteur. Et je confirme ce que prédisent mes envoyés. Tu as parlé par ton serviteur ce soir. Accomplis la parole. Toi qui marches derrière ta parole pour l'accomplir. Marche derrière elle pour l'accomplir. Dans chaque vie, en détail, car tu es venu sur la terre afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Nous recevons la vie en abondance. Nous recevons la vie en abondance. Nous chassons les ténèbres de la vie de chacun. Nous chassons les ténèbres. Nous chassons la mort. Nous chassons la stérilité. Nous chassons la pauvreté. Nous chassons les démons. Nous chassons les maris de nuit. Nous chassons les femmes de nuit. Nous chassons la pauvreté. Nous chassons les malheurs. Nous chassons la méchanceté. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour les mystères de Dieu qui ont été libérés, les mystères de Dieu qui se traduisent en palpable, en palpable, en palpable, les mystères de Dieu. Merci Seigneur, nous te célébrons. Yélele. Merci Seigneur. Merci pour tes grâces insondables. Merci pour les eaux profondes. Merci Seigneur pour le ciel ouvert. Je te prie, Yahweh, conserve ce ciel ouvert. Ne le referme pas. Même quand nous rentrons dans nos maisons, nous voulons rentrer, Seigneur, sous le ciel ouvert. Quand nous dormirons, sous le ciel ouvert. Quand nous reviendrons le matin, nous reviendrons sous le ciel ouvert. Quand nous irons au service, nous irons sous le ciel ouvert. Et que le ciel ouvert demeure au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. On peut revenir demain. Tunaweza rudi kesho. Et ce soir à 20h. Na jioni ya leo.